Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On doit le faire parce qu'on a envie de le faire. Voici le bloc Un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 18 octobre 2010. Je suis un gars pacifique. Pacifiste. Audrey Alcée. Grand cœur, qui pue un peu des pieds, mais bon. À peine, mais ça, je garde mes souliers et ça règle le problème. Non, c'est ça, exactement. Puis l'été, écoute, t'es en sandales, on ouvre des châssis. C'est ça, c'est votre problème. Ouvrez vos châssis. Moi, je trouve que ça sent bon, mes pieds. Comme l'autre fois, là, t'avais dit ça, c'était drôle. J'avais dit ça? Ouais. Comme moi, j'avais pas entendu plante, comme des jeux de mots sur plante. Plante, mode planté, mon échalote. Hey, ouais, celle-là, j'avais entendu pas. Puis mon nom de famille, pour ceux qui veulent savoir, parce qu'ils aiment les faits divers, puis ils veulent aller peut-être updater ma page Wikipédia, mon autre nom de famille, c'est Tousignan. Fait que vous imaginez les jeux de mots, hein? Pour une seconde, j'ai cru que t'allais faire une crise cardiaque. Ça y est. S'il te plaît. On va passer aux nouvelles. Ouais. Enfin, quelque chose qui va marquer l'histoire de C'est fou. Parce qu'on n'a pas d'affaires qui marquent l'histoire de C'est fou ici. Et on en a plein. Mais c'est quand même frisquet, donc si vous sortez, habillez-vous chaudement. C'est ce qu'on nous dit, ouais. Nous, on n'a pas remarqué, évidemment, vu qu'on sort de chez nous à 6h30, on est encore en état végétatif, donc... Ouais, exactement. Et à ce temps-là, sans grande nouvelle, je vous annonce qu'il fait pas mal tout le temps froid. OK, à cette date-ci, c'est confirmé? C'est confirmé. Aujourd'hui, grosse émission, c'est la grosse journée de la semaine. C'est Oui. C'est ce qu'on appelle les mardis du trop de contenu. Ah. Les mardis du trop de contenu. C'est beau, hein, comme nom? C'est beaucoup beau. Tout à fait. Et les matériaux de qualité, c'est souvent les chroniqueurs. C'est pas mal juste ça, en fait. Oui. C'est pas mal. Et la musique. Et la musique, okay. Et t'en fais un peu partie, Mathieu Plante. Non. Ben, écoute, laisse-moi finir. Ah, oh, oui, vas-y. Peux-tu te complimenter à sourire? Un petit peu. Oui. Autre chose que sur tes faux-founes. C'était très intéressant, en tout cas. Ben, thank you. Thank you. C'est revenu? Ouais. Bon. Ben, c'est jamais vraiment parti, ce ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai un truc de téléportation entre chez moi et ici. Je ne vois pas l'extérieur. Ouais, parce que je refuse d'être dehors. Dehors, c'est pour les autres. Et quand tu marches le matin, j'ai l'impression que tu dors encore. Merci. Merci. Est-ce que tu regardais mes fesses? Non, ben tu t'en viens de face. Donc, Ah, OK. Je trouve qu'on est en feu ce matin. On fire! Fire! Mario, allez! Mario Luigi! Musique! Ben, c'est bien. Délivre-nous du mal. Il n'y a pas de retenue ici, délivre-nous du mal. Commence pas que ta religion, toi, Lolo. Ouais, hey. Toi, Lolo. On va mettre un frein à ça tout de suite. On passe à autre chose. Il rue pas de mon rire. C'est un rire taquin. On va faire ça très vite, dit le gars qui met une intro de 20 secondes pour chaque chronique qu'il fait. Tu chantes bien, François, je trouve. Je chante très bien. Oui, tu m'as entendu? Oui, un peu. Ah. Je suis un peu gêné. Tu pensais que la musique était assez forte pour te cacher. Hein? Ouais, exact. Pas que je m'en fous complètement, mais pas loin. C'est proche. Hein? C'est très près. C'est très, très près. 89.1 FM. El Radio Campus. De Trois-Rivières. C'est quoi? C'est Trois-Rivières. Genre. T'as-tu entendu Mathieu là, péter la coche sur les croques en canon? Non. OK, bon. C'est peut-être pour ça que t'es de bonne humeur aujourd'hui. La loi 115. Simon Fédibé, tu le restes avec nous, comme toujours? Oui, on va essayer. Tu vas devoir changer ton nom, par exemple. Je pense que t'as pas le droit de t'appeler Fédibé, par exemple. Il va falloir que tu t'appelles... Fédidé? Non, c'est ça, quelque chose en français, plus. Tu sais. Pourquoi, Mathieu? Roger Joubert. C'est trop anglophone. Roger Joubert. Wow, j'aime ça, on dirait. En ce moment, non. C'est le moment de se lever debout. Tous, parce que là, on était tous à genoux, évidemment, comme... Comme à l'église. On se lève. Oui, une chance, c'était comme dans l'église. Ah! Vous voyez comme moi, on s'améliore de jour en jour. Ben oui, de jour en jour. Ben d'ici au mois d'avril, ça va être clean pas mal. Ça va être... Ça croche, mon ami. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 18 octobre 2010. On a eu du plaisir, comme toujours. Comme toujours. Il y a bien des affaires pas super catholiques, comme avec tes foufounes. Oui, mes foufounes étaient marquantes, je trouve. Plus qu'à l'habitude. Oh, oui. Jeu de mots de traces de... Ouais.